Après Cosy, un groupe de Périgueux, 7 musiciens, dont 2 saxophonistes, un groupe de Bergerac, on reste toujours dans la Dordogne, et ça s'appelle Rodéo sur Juliette.